Chapitre 19e. À travers les débris du panneau qui avait volé en éclats, Ikuteruka bondit dans une petite pièce où plusieurs dizaines de cassettes cerclées de fer étaient éparpillées. Plusieurs d'entre elles, éventrées, avaient laissé échapper leur contenu, des piastres en argent toutes neuves. Ces cassettes, c'étaient celles qui avaient été enlevées à bord de la Santa Madre. Deux hommes étaient debout dans la petite chambre, le capitaine Bork et le mystérieux Asiatique à la robe de soie ornée de scorpions. Mais ils n'avaient plus son voile à présent. Les deux bandits étaient en train de partager leur butin. En voyant la porte s'abattre, ils s'étaient dressés. Ikuteruka ne leur donna pas le temps de se remettre. Pour lui, c'était une question de vie et de mort. Se baissant, il empoigna une des planches ayant formé la porte et de toutes ses forces l'abattit sur la tête du Chinois à la robe de soie jaune. L'Asiatique, assommé net, tomba comme une masse sur les piastres éparpillés à ses pieds. Le capitaine Bork, cependant, s'était reculé et avait tiré un pistolet automatique de sa ceinture. Ikuteruka le lui fit tomber des mains en lui portant sur le bras un furieux coude de sa planche. « Et ne bouge pas, vermine » gronda-t-il, « ou je t'abats !» Bork, épouvanté à la vue de sa victime qu'il croyait déjà dévorée par les scorpions, s'immobilisa. Ikuteruka, vivement, s'empara du pistolet qui était tombé sur le sol. « Tu vas prendre ce gibier-là sur ton dos, » ordonna-t-il, « et m'accompagner à bord du Yue. Il y a un moteur à pétrole, c'est suffisant, nous. Mais vous ne savez pas que... L'homme qui est là, c'est le mandarin Tianlong, chef du district de Kamchok. Si nous sommes, il est aussi le chef de la bande de voleurs et d'empoisonneurs du scorpion, » interrompit Ikuteruka, implacable. « Tu connais la maison, à toi de nous faire sortir d'ici, sinon je te tue sans pitié. » « Dépêche. « Si nous devons périr, tu périras avant moi. »« Au moins, laissons le mandarin ici, » bafouilla Bork. « Non, je vais le ramener à Macao pour le faire pendre. Et fais vite, hein ?» Dompté, affolé, la bave aux lèvres, Bork s'approcha du Chinois qui avait la tête fendue et le souleva. « Nous allons d'abord aller dans ma chambre, » dit-il. « Nous prendrons des vêtements pour vous et puis nous envelopperons Tianlong. Très juste, » acquiesça Ikuteruka. « Marche devant moi. » « Et finissons-en, et ne cherche pas à faire un pas de trop ou je t'abats. » Le gros Bork en était bien incapable. Son épouvante était si grande qu'il titubait. Il sortit de la pièce et d'un pas chancelant s'engagea dans le couloir. Ikuteruka le suivit de très près. Leur vie à tous les deux ne tenait qu'à un fil. S'ils rencontraient un des serviteurs du mandarin, ils étaient perdus. Ils ne rencontrèrent personne et arrivèrent sains et saufs dans une vaste chambre luxueusement meublée qui servait de logis à Bork pendant ses séjours à Kamchok. Bork déposa le mandarin sur un divan et prit dans un coffre de bois de camphre un de ses costumes qu'il jeta aux pieds d'Ikuteruka. Ses vêtements étaient de beaucoup trop grands pour le détective japonais, mais Ikuteruka était aussi habile qu'adroit. Il sut les disposer sur lui et les draper, au moyen d'épingles, de telle façon qu'ils parurent être à sa taille. Un chapeau de paille de manille, qu'il rabattit sur son visage, acheva de le rendre méconnaissable. Tandis qu'il se vêtait, Bork, sur son ordre, était resté immobile à l'autre extrémité de la pièce. « Maintenant, emballe le mandarin et filons !» ordonna Ikuteruka.